Chapitre 32e. Marc, en sortant de la chambre de son frère, descend lentement l'escalier, le crépuscule étant son voile gris sur le vieux manoir. On ne peut distinguer les objets que confusément. Arrivé à la dernière marche, il se demande s'il doit prendre à gauche ou à droite ou devant lui. La porte de la bibliothèque de Vivien est ouverte, il y entre machinalement. Le feu brûle dans l'âtre. Marc se plonge dans un fauteuil, la tête pleine des pensées les plus cruelles. Il jure dans son cœur une haine mortelle à celui ou à celle qui a attenté au jour de son frère. Il se promet de ne rien épargner pour que la lumière se fasse sur ce ténébreux mystère. Les tristes souvenirs l'assiègent en foule. Barbara, qu'il a vue tout à l'heure comme un ange de dévouement et de douceur au chevet du lit de Vivien, échappe à ses soupçons. Il les reporte sur une autre personne. Il se rappelle l'excitation nerveuse avec laquelle Mariette a écouté jadis Smallford discuter les chances que lui, Marc, a d'hériter de Penrose Place. Il se souvient de cette exclamation échappée des lèvres de sa femme « Ah, si Vivien mourait subitement !» Il se demande comment il s'est prêté au désir bizarre qu'a eu Mariette d'entrer au service de Mademoiselle Penrose. Comment il a accepté un pareil projet, si honteux pour elle et pour lui. Comment il a écouté Mariette exposer avec une verve infernale tous ses rêves d'avenir, sans en pressentir lui-même le danger. Comment a-t-il montré tant de faiblesse et d'irréflexion? Toutefois, il y a bien des années que Marc s'est déjà adressé cette question. Pour éviter une brouille, une querelle, après avoir cédé à un caractère et à des séductions irrésistibles, que n'a-t-il pas concédé depuis tantôt 15 ans? Mais aujourd'hui, l'idée de la complicité qu'il se reproche l'accable. Il s'enveloppe dans la couverture de fourrure de son frère, et en proie aux pensées qui le torturent, il se jette sur un sofa placé entre l'angle de la cheminée et le mur. Il épie tous les bruits et ne saurait fermer l'œil. Le feu renvoie ses rayons d'or dans la pièce. Bientôt, une femme s'y faufile et entrebâille la porte d'une main timide. C'est Mariette. Elle s'approche de la table sur laquelle est posé le verre, ou plutôt le gobelet d'argent de Vivien. Elle s'en empare et revient près de la cheminée. Mais au moment où elle va jeter dans les cendres le liquide qui reste dans le verre, Marc bondit vers elle, saisit sa main et l'étreint à la briser. Mariette jette un cri de stupéfaction, mais recouvrant immédiatement son sang-froid, elle dit à Marc « Je voulais porter ce gobelet à Dixon, qui fera demain son argenterie de bonheur. »« Il peut attendre, » dit Marc, « et je m'en charge, car je vais serrer sous clé le contenant et le contenu. » Marc ouvre un vieux cabinet de laque chinoise, aux compartiments multiples, aux tiroirs à secret, aux étagères superposées. Il y dépose la pièce de conviction, ferme le meuble à double tour et met la clé dans sa poche. « Que faites-vous là ? » s'écrie Mariette, s'élançant vers lui comme une furie. « On a tenté d'empoisonner mon frère et il peut rester quelques traces de poison dans ce gobelet. Vous avez perdu la raison comme tous ceux qui vous entourent. Votre frère a une maladie de cœur. Le docteur Didcot l'a assez dit et répété sur tous les tons. » Et parce qu'un homme en délire se croit empoisonné et qu'il plaît à l'amant de sa femme de jeter l'alarme dans la maison, vous accordez créance à cette folie comme à l'évangile. Voyons, Marc, calmez-vous, donnez-moi ce gobelet et tâchez, si vous pouvez, de passer une bonne nuit. Vous rendre ce gobelet? Jamais. C'est odieux, c'est atroce! S'écrie Mariette exaspérée. Vous êtes une misérable et tout est à jamais fini entre nous. Partez, sortez d'ici, que je ne vous revoie plus, ou sinon vous savez ce qui vous attend. Qui oserait m'accuser ici? Les faits parlent d'eux-mêmes contre vous. Quels faits? Comment prouver que c'est moi qui ai empoisonné la bière destinée à votre frère? Où me serais-je procuré du poison? La digitale croît dans les champs, et c'est avec quelques-unes de ces fleurs que vous vouliez perpétrer votre crime. Sortez d'ici, reprend Marc, du ton inexorable d'un juge ou d'un maître. Autrement, j'envoie chercher un policeman. Comment? Vous oseriez de sang-froid accuser votre femme, votre honnête femme, dit-elle en se rapprochant de Marc, d'être une empoisonneuse, répond-il en la repoussant avec indignation. Partez, et sans tarder si vous ne voulez pas que je mette ma menace à exécution. Je pars, Marc, mais si je meurs, ma mort retombera sur vous. Votre vie a été pour moi le supplice quotidien. Ne donnerez-vous pas une larme à ma mémoire? Moi? Je remercierai le ciel d'avoir délivré la terre d'un monstre tel que vous. « Et mes enfants ? » dit-elle en s'élançant sur lui comme une tigresse. « Que deviendront-ils ? Soyez tranquille, le poids de vos crimes ne retombera pas sur eux. Laissez-moi du moins aller chercher mon châle dans ma chambre. La nuit est si froide, et j'ai 7000 à faire à pied pour traverser la lande. Je vous suis alors, car je craindrais encore que vous ne fissiez une dernière tentative pour mettre à exécution vos criminels desseins. Mariette monte l'escalier en spirale qui conduit aux mansardes. Marc est derrière elle. Arrivé sur le palier, il la laisse seule franchir la porte en lui disant « Dépêchez-vous, je vous attends. » Mariette se dirige vers la commode où sont serrés ses effets. Elle prend une fiole cachée entre le pli d'une robe, ouvre l'œil de bœuf, et jette le contenu de la fiole sur le lierre qui monte du sol jusqu'au toit, puis elle renferme dans son corsage un petit sachet de papier brun qui était à côté de la fiole. Ni alambic, ni cornu, une branche de fleurs cueillie dans une haie constitue tous les poisons de cette Lucrèce Borgia campagnarde. Puis elle décroche du porte-manteau sa casaque, son chapeau de veuve. Marc fait toujours passer Mariette devant lui et l'accompagne jusqu'à la grille d'entrée. Comme on est à la tombée de la nuit, la porte est déjà close et le garde doit venir l'ouvrir sur la demande de Marc pour permettre à la voyageuse nocturne de franchir pour jamais le seuil de Penrith Place. « Vous aurez soin, lui dit-il à l'avenir, de ne jamais laisser entrer ici la femme de chambre de Mademoiselle Penrith. Qu'y a-t-il donc, monsieur? Cette si respectable veuve aurait-elle volé? Il est inutile de vous en dire davantage. Ce que vous avez à faire, c'est qu'elle ne rentre sous aucun prétexte au château. Monsieur peut être sûr que je ferai bonne garde. » Mariette s'éloigne, l'œil égaré, la joue en feu. Ce n'est ni la conscience ni le remords qui lui font monter le rouge au visage, mais la haine, l'envie, toutes les mauvaises passions qui fermentent dans son esprit et sous l'influence desquelles elle a préparé des breuvages qui devaient la payer de tout. Elle traverse la lande sous l'impression de ce pesant passé que la nuit rend plus sombre encore. Elle longe les murs de Camelot où les fenêtres et les boutiques ne sont pas encore fermées. De rue en ruelle, elle pénètre dans le bouge qu'habite la tante Julie. Le contrevent est hermétiquement clos, mais une lueur filtre sous la porte. Mariette ouvre, entre dans la pièce qui sert à la fois de chambre, de salle à manger et de cuisine à la vieille sorcière. Au-dessus de ce trou qui manque d'air, il y en a un autre à l'abri de l'humidité, rempli de fromage, d'oignons, de pommes et de charbon. C'est le grenier d'abondance de la tante Julie. Sur le lit de la vieille femme est étendu un couvre-pied composé de morceaux d'étoffe d'indienne multicolore qui ressemble à une marqueterie ou à une mosaïque ou encore à un casse-tête chinois. C'est un chef-d'œuvre de patience à désespérer les fées. Près du feu se tient la Sibylle, rencognée dans un grand fauteuil à accotoir qui l'abrite du vent. Devant elle, un bureau cylindrique contient son fameux registre à recettes et les simples pour les exécuter. Une table rembrunie par le temps compose avec ce qui précède tout le mobilier. De tout temps, les animaux et les sorcières ont vécu en bonne intelligence et se sont compris. Là encore, rien ne vient démentir la règle. Deux chats noirs, aux yeux verts comme du jade et translucides, sont couchés sur le flanc près des chenets, non loin de la bouilloire qui siffle et qui rappelle les chaudrons des sorcières de Macbeth. Pour les habitants de Camelot et de ses alentours, ces chats sont des animaux légendaires. Mariette a soigneusement drapé son voile de façon à dissimuler le bonnet blanc qui est de rigueur sous le chapeau de veuve. Tante Julie s'écrie en la voyant entrer si pâle et si défaite. « Qu'est-il donc arrivé? Je vous croyais à Londres. J'en viens, mais je m'y suis enrhumé et j'ai hâte d'être chez moi. Voulez-vous me donner ma clé? La voici, » dit Tante Julie en la détachant d'un anneau brisé sur son bureau. « Pourquoi ne prendriez-vous pas une tasse de thé avec moi ?» « Je ne le puis, je vous assure. Vous êtes bien pressé de me quitter ce soir. Vous trouverez tout en bon état chez vous, pas une toile d'araignée, pas un grain de poussière. Merci, je n'oublierai pas ce que je vous dois pour vos bons offices. » Mariette part sans donner à tante Julie le temps de répliquer. Celle-ci, du seuil de la porte, la suit des yeux pendant quelques minutes. Au grand déplaisir des chats, qui ne s'expliquent pas comment leur vieille maîtresse sacrifie ainsi le thé, le beurre et le coin du feu, à ce mouvement de curiosité. Il se frotte à sa robe couleur amadou en ronronnant. Elle est à faire peur aux ténèbres, murmure la vieille sorcière, en rentrant avec ses chats dans son taudis sombre et mystérieux.